Dans les provinces du Hamgyong du Sud et du Yangon de la Corée, il y a eu le 17 les rassemblements militaires civils pour féliciter la réussite à l'essai d'explosion de l'ogive nucléaire qui a manifesté sans réserve la puissance nationale de la Corée du Sud. Y ont pris part les cadres des organismes du parti et du pouvoir, des formations sociales, des usines, des entreprises, des fermes et des écoles supérieures, les militaires de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, ainsi que les travailleurs de divers paliers, les jeunes et étudiants. Après la lecture de la déclaration de l'Institut des armes nucléaires de la République populaire démocratique de Corée, il y a eu les discours de félicitations. Les orateurs ont affirmé que les événements remarquables qui se produisent successivement cette année dans le domaine de l'industrie de guerre, en faisant preuve de la puissance nationale considérable et du potentiel de la Corée du Sud, sont le fruit de la direction énergique et du noble dévouement du maréchal Kim Jong-un, doué de l'audace du Baek-tu.